Et maintenant, Antoine. Ah, j'ai faim. J'ai faim. Il est l'heure de... Il est l'heure de... D'une super séquence qui est pratiquement emblématique. Je ne sais pas si c'est peut-être le dernier épisode. Oui, c'est le dernier épisode jusqu'à ce qu'on retourne en fait. Il faut le pêcher quand même. Voilà. Nadan. Alors, régalez-vous. Bon app, Nadan. Allez, attends, faut que je me rappelle. Je me rappelle, j'ai dit quoi déjà? C'était quoi la question? Tu peux reposer une question? C'est pour couper, déposer, découper pour la radio. Il faut tout découper. Ah oui. Ah oui. Il faut... Merde. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le site archive.org. Il faut tout découper pour la radio. Mais c'est trop laid. Au secours. Parce qu'après, tu fais quoi avec... Ça, c'est quoi? Ça, c'est Yellow Field. Ça, c'est le... L'applique ou Boris Blanc. Je sais pas quel est c'est, qui. Mais c'est le mec qui joue avec Yellow. Ah, oh my god. Waouh. C'est pas ça que j'ai dit moi. Non, toi t'as dit. Qu'est-ce que t'as dit? Moi j'ai parlé de la radio. J'ai dit il c'est faut tout ça. Découper dans la radio pour. Archive.org. Celle-là, non. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre bah oui. Ça après sur le site. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le site. Archive.org. Archive.org. Archive.org. Voilà. Pourquoi t'es pas là? Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le site. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le site. Il faut tout archive.org. Mais comment ça a lié lo-fi? Il faut tout découper pour la radio et puis mettre. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le archive.org. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le archive.org. Non, ça c'est vraiment bien le son, il est génial. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le archive.org. Tu peux faire des randoms ou tu peux faire toi-même. Mais en fait, t'as beaucoup de librairies de son. T'as deux librairies où tu peux enregistrer toi. Et après, t'as plein de librairies différentes. Et fais comme ça. Ouais. Les gens, ils vont péter un câble. My god, ça rend neuneux. Mais tu enregistres ça? Ouais, bien sûr. N'importe quoi. Mais c'est pas dit que j'en fasse quelque chose, hein. C'est juste au cas où. Ça, c'est insupportable. Mais dis-moi, Nadan, quelle est cette appli? Il n'est pas très coopératif, Antoine. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le archive.org. Il faut tout découper pour la radio et puis mettre ça après sur le site. The Yellow Fire. Ah, toi, tu connais. Archive. Il faut tout découper. Parce qu'après, il se perd dans les applis et il dit plus rien. Ah ouais, mais tu peux pas parler et jouer en même moment. C'est dur. Tu chantes bien. Ouais, super, merci. Voilà, merci Nadan. Alors Nadan, il se fait des petits tunnels avec ses applications, donc après c'est vraiment impossible de discuter. Ben, ça lui permet de préserver sa part de mystère. C'est ça, Malé. Très bien préservé, très bien conservé cette part de mystère. On verra si on arrive à lui soutirer de plus en plus d'informations plus tard.